Chapitre 4e, début de la régence, les importants, première difficulté. Monsieur de Beaufort, qui avait le sens beaucoup au-dessous du médiocre, voyant que la reine avait donné sa confiance à monsieur le cardinal Mazarin, s'emporta de la manière du monde la plus imprudente. Il refusait tous les avantages qu'elle lui offrait avec profusion. Il fit vanité de donner au monde toutes les démonstrations d'un amant irrité. Il ne ménagea en rien monsieur. Il brava dans les premiers jours de la régence feu monsieur le prince. Il l'outra ensuite par la déclaration publique qu'il fit contre madame de Longueville en faveur de madame de Montbazon, qui véritablement n'avait offensé la première qu'en contrefaisant ou montrant cinq des lettres que l'on prétendait qu'elle avait écrites à Coligny. Monsieur de Beaufort, pour soutenir ce qu'il faisait contre la régente, contre le ministre et contre tous les princes du sang, forma une cabale de gens qui sont tous morts fous, mais qui, dès ce temps-là, ne me paraissaient guère sages. Beaupuis, Fontrailles, Fiesque. Mon trésor, qui avait la mine de Caton, mais qui n'en avait pas le jeu, s'y joignit aux Béthunes. Le premier était mon parent proche et le second était aussi de mes amis. Ils obligèrent M. de Beaufort à me faire beaucoup d'avance. Je les reçus avec respect, mais je n'entrais en rien. Je m'en expliquai même à mon trésor, en lui disant que je devais la coadjudoterie de Paris à la reine, et que la grâce était assez considérable pour m'empêcher de prendre aucune liaison qui pût ne lui être pas agréable. Mon trésor m'ayant répondu que je n'en avais nulle obligation à la reine, puisqu'elle n'avait rien fait en cela que ce qui lui avait été ordonné publiquement par le feu roi, et que d'ailleurs la grâce m'avait été faite dans un temps où la reine ne donnait rien à force de ne rien refuser, je lui dis ses propres mots. Vous me permettrez d'oublier tout ce qui pourrait diminuer ma reconnaissance et de ne me ressouvenir que de ce qui la doit augmenter. » Ces paroles, qui furent rapportées à M. le cardinal Mazarin par Goulas, à ce que lui-même m'a dit depuis, lui plurent. Il le dit à la reine, le jour que M. de Beaufort fut arrêté. Cette prison fit beaucoup plus d'éclat, mais elle n'eut pas celui qu'elle devait produire, et comme elle fut le commencement de l'établissement du ministre, que vous verrez dans toute la suite de cette histoire jouer le plus considérable rôle de la comédie, il est nécessaire, à mon opinion, de vous en parler un peu plus en détail. Vous avez vu ci-dessus que ce parti, formé dans la cour par M. de Beaufort, n'était composé que de 4 ou 5 mélancoliques qui avaient la mine de penser creux, et cette mine, ou fit peur à M. le cardinal Mazarin, ou lui donna lieu de feindre qu'il avait peur. Il y a eu des raisons de douter de part et d'autre. Ce qui est certain est que la rivière, qui avait déjà beaucoup de part dans l'esprit de monsieur, essaya de la donner au ministre par toutes sortes d'avis pour l'obliger de se défaire de mon trésor qui était sa bête, et que monsieur le prince n'oublia rien aussi pour la lui faire prendre, par l'appréhension qu'il avait que monsieur le duc, qui est monsieur le prince d'aujourd'hui, ne se commît par quelque combat avec monsieur de Beaufort, comme il avait été sur le point de faire dans le démêlé de madame de Longueville et de Montbazon. Le palais d'Orléans et l'hôtel de Condé, étant unis ensemble par ses intérêts, tournèrent en moins de rien en ridicule la morgue qui avait donné aux amis de M. de Beaufort le nom d'important, et ils se servirent en même temps très habilement des grandes apparences que M. de Beaufort, selon le style de tous ceux qui ont plus de vanité que de sens, ne manqua pas de donner en toutes sortes d'occasions aux moindres bagatelles. L'on tenait cabinet mal à propos, l'on donnait des rendez-vous sans sujet, les chasses même paraissaient mystérieuses. Enfin, l'on fit si bien que l'on se fit arrêter au Louvre par Guiteau, capitaine des gardes de la reine. Les importants furent chassés et dispersés, et l'on publia partout le royaume qu'ils avaient fait une entreprise sur la vie de monsieur le cardinal. Ce qui a fait que je ne l'ai jamais cru est que l'on n'a jamais vu ni déposition ni indice, quoique la plupart des domestiques de la maison de Vendôme aient été très longtemps en prison. Vaumorin et Ganceville, auxquels j'en ai parlé 100 fois dans la Fronde, m'ont juré qu'il n'y avait rien au monde de plus faux. L'un était capitaine des gardes et l'autre écuyer de M. de Beaufort. Le marquis de Nangis, maître de camp du régiment de Navarre ou de Picardie, je ne m'en ressouviens plus précisément, et enragé contre la reine et contre le cardinal pour un sujet que je vous dirai incontinent, fut fort tenté d'entrer dans la cabale des importants 5 ou 6 jours devant que M. de Beaufort fût arrêté. Et je le détournais de cette pensée en lui disant que la mode, qui a du pouvoir en toute chose, ne l'a si sensible en aucune qu'à être ou bien ou mal à la cour. Il y a des gens où la disgrâce est une manière de feu qui purifie toutes les mauvaises qualités et qui illumine toutes les bonnes. Il y a des temps où il ne sied pas bien à un honnête homme d'être disgracié. Je soutins à Nangis que celui des importants était de cette nature. Et je vous marque cette circonstance pour avoir lieu de vous faire le plan de l'état où les choses se trouvèrent à la mort du feu roi. C'est par où je devais commencer, mais le fil du discours m'a emporté. Il faut confesser, à la louange de M. le cardinal de Richelieu, qu'il avait conçu deux desseins que je trouve presque aussi vastes que ceux des Césars et des Alexandres. Celui d'abattre le parti de la religion avait été projeté par M. le cardinal de Ré, mon oncle. Celui d'attaquer la formidable maison d'Autriche n'avait été imaginé de personne. Il a consommé le premier. À sa mort, il avait bien avancé le second. La valeur de M. le prince, qui était M. le duc en ce temps-là, fit que celle du roi n'altéra point l'état des choses. La fameuse victoire de Rocroi donna autant de sûreté au royaume qu'elle lui apporta de gloire. Et ses lauriers couvrirent le roi qui règne aujourd'hui dans son berceau. Le roi, son père, qui n'aimait ni n'estimait la reine, sa femme, lui donna en mourant un conseil nécessaire pour limiter l'autorité de sa régence, et il y nomma M. le cardinal Mazarin, M. le chancelier, M. Boutillier et M. de Chavigny. Comme tous ces sujets étaient extrêmement odieux au public, parce qu'ils étaient tous créatures de M. le cardinal de Richelieu, ils furent sifflés par tous les laquais dans la cour de Saint-Germain aussitôt que le roi eut expiré. Et si M. de Beaufort eût eu le sens commun, ou si M. de Beauvais n'eût pas été une bête mitrée, ou s'il eût plu à mon père d'entrer dans les affaires, ces collatéraux de la régence auraient été infailliblement chassés avec honte, et la mémoire du cardinal de Richelieu aurait été sûrement condamnée par le Parlement avec une joie publique. Monsieur de Paris partit de Paris 2 mois après mon sacre d'archevêque de Corinthe pour aller passer l'été à Angers, dans une abbaye qu'il y avait, appelée Saint-Aubin, et il m'ordonna, quoique avec beaucoup de peine, de prendre soin de son diocèse. Ma première fonction fut la visite des religieuses de la Conception, que la reine me força de faire, parce que n'ignorant pas qu'il y avait dans ce monastère plus de 80 filles, dont il y en avait plusieurs de belles et quelques-unes de coquettes, j'avais peine à me résoudre à y exposer ma vertu. Il le fallut toutefois, et je la conservai avec l'édification du prochain, parce que je n'en vis jamais une seule au visage, et je ne leur parlai jamais qu'elles n'eussent le voile baissé. Et cette conduite, qui dura 6 semaines, donna un merveilleux lustre à ma chasteté. Je crois que les leçons que je recevais tous les soirs chez Madame de Pomereux la fortifiaient beaucoup pour le lendemain. Ce qui est admirable est que ces leçons, qui n'étaient plus secrètes, ne me nuisirent point dans le monde. La dame eût été bien fâchée qu'on ne les eût pas sues, mais elle les mêlait, et à ma prière, et parce qu'elle-même y était assez portée, de tant de diverses apparences, où il n'y avait pourtant rien de réel, que notre affaire en beaucoup de choses avait l'air de n'être pas publique, quoiqu'elle ne fût pas cachée. Cela paraît galimatia, mais il est de ceux que la pratique fait connaître quelquefois et que la spéculation ne fait jamais entendre. J'en ai remarqué de cette sorte en tout genre d'affaires. Je continue à faire dans le diocèse tout ce que la jalousie de mon oncle me permit d'y entreprendre sans le fâcher. Mais comme, de l'humeur dont il était, il y avait peu de choses qui ne le pussent fâcher, je m'appliquais bien davantage à tirer du mérite de ce que je ne faisais pas que de ce que je faisais. Et ainsi, je trouvais le moyen de prendre même des avantages de la jalousie de M. de Paris en ce que je pouvais, à je sûr, faire paraître ma bonne intention en tout, au lieu que, si j'eusse été le maître, la bonne conduite m'eût obligé à me réduire purement à celui qui eût été praticable. M. le cardinal Mazarin m'avoua, longtemps après, dans l'intervalle de l'une de ces paix fourrées que nous faisions quelquefois ensemble, que la première cause de l'ombrage qu'il prit de mon pouvoir à Paris fut l'observation qu'il fit de ses manœuvres, qui étaient pourtant à son égard très innocentes. Une autre rencontre lui en donna avec aussi peu de sujet. J'entreprends d'examiner la capacité de tous les prêtres du diocèse, ce qui était dans la vérité d'une utilité inconcevable. Je fis pour cet effet 3 tribunaux composés de chanoines, de curés et de religieux, qui devaient réduire tous les prêtres en 3 classes, dont la première était des capables, que l'on laissait dans l'exercice de leurs fonctions, la seconde de ceux qui ne l'étaient pas, mais qui le pouvaient devenir, la troisième de ceux qui ne l'étaient pas et qui ne le pouvaient jamais être. On séparait ceux de ces 2 dernières classes, on les interdisait de leurs fonctions, on les mettait dans des maisons distinctes, et l'on instruisait les uns et l'on se contentait d'apprendre purement aux autres les règles de la piété. Vous jugez bien que ces établissements devaient être d'une dépense immense, mais l'on m'apportait des sommes considérables de tous côtés. Toutes les bourses des gens de bien s'ouvrirent avec profusion. Cet éclat fâcha le ministre et il fit que la reine manda, sous un prétexte frivole, M. de Paris, qui deux jours après qu'il fût arrivé, me commanda, sous un autre encore plus frivole, de ne pas continuer l'exécution de mon dessein. Quoique je fusse très bien averti par mon ami l'aumônier que le coup me venait de la cour, je le souffris avec bien plus de flegme qu'il n'appartenait à ma vivacité. Je n'en témoignais quoi que ce soit, et je demeurais dans ma conduite ordinaire à l'égard de M. le cardinal. Je ne parlais pas si judicieusement sur un autre sujet, quelques jours après, que j'avais agi sur celui-là. Le bonhomme, M. de Morangis, me disant dans la cellule du prieur des Chartreux que je faisais trop de dépenses, comme il n'était que trop vrai que je la faisais excessive, je lui répondis fort étourdiment « J'ai bien supputé. César, à mon âge, devait 6 fois plus que moi. » Cette parole, très imprudente en tous sens, fut rapportée par un malheureux docteur qui se trouva là à M. Servien, qui l'a dit malicieusement à M. le cardinal. Il s'en moqua, et il avait raison, mais il la remarqua, et il n'avait pas tort.